بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. On continue, barakallahu fikoum les frères, la lecture et l'explication du chapitre du divorce tiré du livre Manhaj al-Salikin wa tawdih al-fiqh fi al-din. Donc on a vu hier des éléments qui concernent la prononciation du divorce et que le divorce doit être prononcé à un moment précis et d'une façon précise afin que ce divorce ne soit pas un divorce bid'i, un divorce innové. Et donc si on veut que le divorce respecte la sunna, il faut qu'il respecte quoi comme condition? Et donc le temps, donc la femme doit être purifiée des menstrues. Hein? Ça c'est autre chose, là on est entré dans le temps de vie, sans qu'on parle du temps de vie du... Et donc le divorce doit être prononcé dans une période de pureté de la femme. Quoi d'autre? On va citer ça à la fin. Voilà. Donc, dans une période de pureté durant laquelle il n'y a pas eu de rapport. D'accord? Le divorce doit être prononcé dans une période de pureté de la femme. Donc, elle n'a pas ses menstrues. Donc, une période de pureté de la femme durant laquelle il n'y a pas eu de rapport. Ou alors que cette femme soit enceinte. Il peut être prononcé si la femme est enceinte. Aussi, on avait dit le nombre de prononciations. Tu ne peux prononcer le divorce qu'une fois. Maintenant, celui qui va prononcer le divorce plusieurs fois, il va dire « je te divorce, je te divorce, je te divorce ». Certains vont dire « je te divorce 500 fois ou 1000 fois », comme ça, ils vont exagérer. Ici, donc, ça c'est un sujet de divergence, on a dit. Est-ce qu'il y a trois divorces qui s'appliquent, et donc à ce moment-là, l'homme ne peut plus se remarier avec elle? Ou alors, est-ce que c'est un divorce qui s'applique? Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, d'ailleurs, c'est un des sujets pour lesquels il est allé en prison. Le fait qu'il a donc écrit des épîtres sur ce sujet en défendant l'avis que donc ce divorce, la personne qui dit « je te divorce trois fois » ou alors « je te divorce, je te divorce, je te divorce », cela ne compte que pour un seul divorce. Cela ne compte que pour un seul divorce et pas les trois. Comme on le voit concrètement de le hadith d'Ibn Abbas dans Sahih Muslim, qui nous dit qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à l'époque de Abu Bakr radiallahu an, les divorces qui étaient au nombre de trois, c'est-à-dire les divorces qui étaient prononcés trois fois, comptaient pour un. Donc ça c'est à l'époque du prophète et à l'époque d'Abu Bakr. Ils comptaient pour un. Et lorsque cela a augmenté à l'époque de Omar, alors à ce moment-là, Omar, il a appliquer le divorce en trois pour calmer les gens, pour que les gens les arrêtent. Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, ces trois divorces ne comptent que pour un. Et ça, c'est l'avis le plus juste, incha'Allah ta'ala. Il nous dit l'auteur, rahimahullah, « wa yaka'u talaqu munajjazan ». Et donc, le divorce, il peut donc arriver de façon imminente. De façon imminente, c'est-à-dire que le divorce, il s'applique tout de suite. L'homme qui dit à son épouse, je te divorce, ou alors, tu es divorcé. Ce divorce, donc, s'applique de façon imminente. Ou alors, ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, et donc il nous dit l'auteur que le divorce peut s'appliquer de manière imminente. Et ensuite, il nous dit, au mu'allaqan ala shart. Ou alors, ce divorce va être lié... Il va s'appliquer en fonction d'une condition. Comme le fait que la personne, l'homme, dise à sa femme, si il vient tel moment, alors tu es divorcé. Alors à partir du moment où la condition qui a été précisée pour le divorce arrive, à ce moment-là, le divorce s'applique. Comme le fait qu'une personne dise à son épouse, par exemple, quand vient Ramadan, tu es divorcé. Quand vient le Ramadan, tu es divorcé. À partir du moment où le mois de Ramadan, il arrive, le divorce, il s'applique. Comme un frère qui m'a contacté il n'y a pas longtemps, il avait dit à son épouse, quand je pars à la Hijra, si tu ne viens pas avec moi, tu es divorcé. Et donc, à partir du moment où la condition qui a été citée arrive, le divorce s'applique. Maintenant, il y a un élément à prendre en compte, les frères, barakallahu fikoum, c'est L'homme qui va dire à son épouse, il va lui dire cela, mais il ne va pas avoir l'intention de divorcer. Il ne va pas avoir l'intention de divorcer. Si tu sors de la maison, tu es divorcé. Là, c'est un couple de Paris qui m'avait appelé par rapport à ça. Si tu sors de la maison, tu es divorcé. Mais là, il ne veut pas divorcer. Il veut faire peur à sa femme. Il veut faire peur à sa femme. Alors là, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, Cheikh Ben Baz, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah avant eux, ils disent qu'ici, il n'y a pas de divorce. Pourquoi? Parce que ici, l'homme, il n'a pas l'intention de divorcer. Il n'a pas l'intention de divorcer. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, Innama al-a'malu bin-niyyat. Certes, les œuvres valent en fonction de leurs intentions. Ici, l'homme n'a pas l'intention de divorcer. Mais par contre, il faut faire attention à ce que les hommes ne jouent pas avec cela. Ils n'exagèrent pas. Ce n'est pas à chaque fois que tu as une dispute avec ton épouse, etc., que tu vas lui dire, si tu fais ça, je te divorce, si tu fais ça, je te divorce, ou alors si tu fais ça, tu es divorcé, etc., etc. Il faut faire très attention à ça. Barakallahu fikoum, surtout que c'est un sujet de divergence. Et c'est d'ailleurs sur ce sujet-là que Cheikh Arafat Al-Mohammadi, lorsqu'il nous a enseigné donc ce livre, qu'il nous a dit, faites très attention, n'allez pas faire des fatwas sur ce sujet aux gens. Faites très attention. Ce n'est pas à chaque fois que quelqu'un vous appelle pour ce sujet, allez hop, etc. Il faut vérifier. Ça, c'est un sujet qui est très sensible et lourd de conséquences. Il y a aussi, barakallahu fikoum, les frères, si la personne, elle prononce donc cette parole, mais si elle dit, si tu sors, alors je te divorcerai. Il n'a pas dit, si tu sors, tu es divorcé. Il lui dit, si tu sors, je te divorcerai. Ou je vais te divorcer. Ici, les savants nous disent, ce n'est pas un divorce, là. Là, c'est une promesse de divorce. Et donc, si la femme, elle sort, cela ne veut pas dire qu'elle est divorcée. Parce que lui, il a promis, en fait, qu'il va la divorcer. Mais il se peut qu'il change son avis par la suite. Et donc, on fait la différence entre, si tu sors, tu es divorcé. Et si tu sors, je vais te divorcer. Les deux ne sont pas pareils. Ensuite, il dit, l'auteur, rahimahullah, Faslun et talakul ba'in war raj'i. Donc, le volet concernant le divorce définitif et le divorce permettant un retour. Le divorce définitif, barakallahu fikoum, c'est le divorce qui fait que l'homme ne peut pas récupérer sa femme. L'homme ne peut pas récupérer sa femme. Et ce divorce définitif se divise en deux. On a al-bayyinatul kubra ou al-bayyinatul sughra. Et donc, on a la grande séparation et la petite séparation. La grande séparation, l'homme qui a divorcé sa femme trois fois. Il a divorcé sa femme trois fois, il ne peut pas la récupérer tant que celle-ci, jusqu'à ce que celle-ci se marie avec un autre et qu'elle divorce. Jusqu'à ce que celle-ci se marie avec un autre et qu'elle divorce. Il ne peut plus la récupérer, même si elle veut. Non. Après avoir consommé, bien sûr. Comme ça a été cité, donc le Coran, Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui nous dit, donc concernant le troisième divorce, فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. Et donc, si il la divorce, ce qui est voulu ici, c'est la troisième fois, alors elle ne lui est plus licite jusqu'à ce qu'elle épouse un autre homme que lui. Mais la Sunna, elle explique cela. Dans la Sunna, dans Sahihain, il y a donc une femme, Aïcha, le hadith de Aïcha, Aïcha qui nous cite donc une femme qui était mariée donc avec Rifa'a. Et elle dit que Rifa'a l'a divorcée. Et il m'a divorcé donc de façon définitive, c'est-à-dire ce qui est voulu là, ce qui est voulu ici, c'est le troisième divorce. Le troisième divorce. Fatazawwajtu Abdurrahman. Et donc à ce moment-là, elle dit qu'elle s'est mariée avec, Barakallahu fik, à ce moment-là, elle dit qu'elle s'est mariée avec Abdurrahman ibn Zabir. Elle s'est mariée avec Abdurrahman ibn Zabir. Mais elle voulait divorcer, elle ne voulait pas rester. Donc elle est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet parce qu'elle voulait retourner avec Rifa'a. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit "Aturidina an tarji'i ila Rifa'a? Est-ce que tu veux retourner vers donc te marier avec Rifa'a? Là, non. Non. Hatta tazuqi usaylatahu wa yazuqa usaylatak. Non, jusqu'à ce que tu goûtes son miel. Et que lui, il goûte ton miel. Et donc, tu ne peux pas te remarier avec Rifa'a jusqu'à ce que Abdurrahman, avec qui tu t'es marié maintenant, jusqu'à ce que celui-ci goûte ton miel et que toi, tu goûtes le sien. Ce qui est voulu ici, c'est le rapport. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a montré la ressemblance, il a fait la ressemblance entre le rapport et le miel. Pourquoi? Parce que le miel est délicieux, il a un bon goût et qu'il entraîne donc un plaisir de la même façon que le rapport. Et comme on a dit précédemment, donc dans la langue arabe, ou même, excusez-moi, dans les mœurs, dans le Coran et dans la Sunna, souvent on va trouver donc des termes pour parler du rapport sans parler directement du rapport. Et ça, ça fait partie du bon comportement. Ça fait partie du bon comportement. Que dire lorsqu'on parle du rapport de manière vulgaire? Ou que dire lorsqu'on parle du mariage? Là, on ne parle même pas du rapport, mais du mariage de manière vulgaire. Comme certains vont dire, hein, charge-la. Comme cela, on l'a souvent entendu ici. Hein? Ça, c'est vulgaire. Ça, c'est vulgaire. Comme j'avais conseillé un frère sur le sujet, je lui avais dit, ne dis pas ça. Il m'a dit, mais non, mais il ne faut pas exagérer, Abdul Karim. Est-ce que tu acceptes ça pour ta fille, pour ta sœur, etc.? Non, tu n'acceptes pas. Pourquoi tu le dis pour d'autres sœurs? Et donc, il faut faire attention à ça. Donc, on revient sur notre sujet, le divorce définitif. Alors, il nous dit, l'auteur, rahimahullah, « Wa yamlikul hur thalatha talaqat » L'homme libre détient trois divorces, trois prononciations de divorce. D'accord? Ici, donc, on fait la distinction entre l'homme libre et l'esclave. En sachant que, barakallahu fikum, comme je le dis et je le répète souvent, la religion musulmane n'appelle pas, n'incite pas à l'esclavage. Mais au contraire, les textes de la législation nous montrent clairement que l'islam appelle les êtres humains à libérer les esclaves. Comme on le verra. Mais on ne trouve pas un seul verset dans le Coran qui nous appelle à prendre des esclaves. Pas un. Aujourd'hui, des gens ils s'attaquent à l'islam par rapport à ce sujet, en nous citant l'esclavage. Alors que l'esclavage existait déjà bien avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est arrivé, l'esclavage était présent. Alors l'islam a mis des restrictions et a poussé à libérer les esclaves. Et des restrictions tellement fortes qu'aujourd'hui, on peut dire clairement que le seul lien qu'il y a entre l'esclavage qu'on connaît de l'Europe, de la France, le seul lien qu'il y a entre cet esclavage-là et l'esclavage qui a été connu dans la communauté musulmane, c'est le nom. C'est juste le nom. Exemple, chez nous en Martinique, certains historiens ils disent que la durée de vie d'un esclave en Martinique ne dépassait pas 5 ans. La durée de vie d'un esclave en Martinique ne dépassait pas 5 ans. Certains disent 6. Allez, vraiment, s'il était en forme. Tellement c'était difficile, tellement c'était dur, tellement les conditions étaient rudes. Or, en islam, l'esclave, il est interdit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a interdit de confier à l'esclave des tâches qui sont trop difficiles pour lui, qu'il ne peut supporter. Et donc, on voit clairement ici la grande différence entre l'esclave ici et l'esclave là-bas. Ça, c'est un exemple que j'ai cité. Des exemples, il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, c'est ça, on le verra, bi'idhnillah ta'ala. Et donc, l'homme libre, il détient trois prononciations de divorce. Et il continue, l'auteur, rahimahullah, fa'idha tammet lahu, lam tahilla lahu, hatta tankiha zawjan ghayrahu, binikahin sahihin wa yata'uha. Et donc, si cet homme complète ses trois divorces avec son épouse, alors, à ce moment-là, elle ne lui est plus permise jusqu'à ce qu'il épouse une autre avec un contrat de mariage correct et un rapport. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et talak marratain, donc Allah qui cite le deuxième divorce, et ensuite qui nous dit, fa'in talakaha, fa'la tahillu lahu min ba'du, hatta tankiha zawjan ghayra. Et donc, après avoir cité le deuxième divorce, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, que si l'homme divorce sa femme, donc ce qui est voulu, c'est la troisième fois, alors elle ne lui est plus licite, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre. Wa yaqa'u at-talaqu ba'inan fi arba'i masa'il. Et donc, le divorce définitif va arriver dans quatre cas. Le divorce définitif va arriver dans quatre cas. Le premier, il nous dit, hadhihi ihdaha. Ceci est l'un de ces quatre cas. Ceci, c'est-à-dire celui qu'on vient de voir. Lequel on vient de voir? Celui, l'homme qui divorce sa femme trois fois. L'homme qui divorce sa femme trois fois, c'est un divorce, donc, définitif. Et c'est même un grand divorce définitif. Un grand divorce définitif, parce que là, il ne peut plus du tout se marier avec elle, sauf si elle se remarie avec quelqu'un d'autre, et qu'ensuite, il divorce. Et donc ça, c'est un grand divorce définitif. Deuxièmement, il nous dit, l'auteur rahimahullah, « Wa idha talaqa qabla ad-dukhul » Si il divorce sa femme avant d'avoir consommé le mariage. Il divorce sa femme avant d'avoir eu un rapport avec elle. Liqaulihi ta'ala, et ceci en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, idha nakahtumul mu'minat, thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, famalakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Et donc, ô vous qui avez eu la foi, si vous mariez les croyantes, puis que vous les divorcez, avant de les avoir touchées, et donc ici le terme, avant de les avoir touchées, ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Ce qui est voulu par là, c'est le rapport. Et donc, si, puis vous les divorcez avant de les avoir touchées, alors vous n'avez plus, vous n'avez pas à ce moment-là de période de viduité que vous allez compter. Donc cette femme, vous n'avez pas pour elle... Elles n'ont plus de période de viduité que vous allez compter. Elle n'a pas de période de viduité. Et donc, elle est définitivement divorcée. Elle est définitivement divorcée. Ce n'est plus ta femme. Donc, l'homme qui se marie et qu'ensuite, pour une raison ou une autre, il décide de divorcer avant même d'avoir eu un rapport avec elle, à ce moment-là, donc, ce n'est plus sa femme. Il ne reste plus dans la maison avec elle, etc., etc., comme on a pour donc, le mariage qui est connu, pour le divorce connu, excusez-moi, celui qui va divorcer sa femme après avoir eu un rapport et qu'elle va rester avec lui encore pendant 3 mois. Sauf que ici, dans ce deuxième cas, cette séparation définitive, elle est courte. Ce n'est pas une grande séparation définitive. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle est courte? Parce que là, s'il veut, il peut se remarier avec elle en refaisant un contrat de mariage. Il peut refaire un contrat de mariage. Le premier cas, pour que vous compreniez bien. Le premier cas, il l'a divorcée 3 fois. Elle n'est plus sa femme. Elle sort de la maison, il sort, etc., etc. Il se sépare. Il veut se remarier avec elle, c'est pas possible. Sauf si elle se remarie avec quelqu'un d'autre et que, donc, il y a un rapport. Le deuxième cas, il se marie avec elle. Ensuite, pour une raison ou une autre, il la divorce avant même d'avoir eu un rapport. Mais après le divorce, il veut la récupérer. Il veut la récupérer, il retourne la voir, il lui dit non, en fait, je te reprends. On lui dit non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas la récupérer comme ça, parce que ce n'est plus ta femme. Ce n'est plus ta femme. Mais est-ce qu'il y a un moyen de la récupérer? Oui, il faut refaire un contrat de mariage. Là, c'est possible de refaire un contrat de mariage avec une nouvelle dot, etc., etc., etc. Contrairement au premier cas, où il ne peut même pas refaire de contrat de mariage, tout simplement... Donc, jusqu'à ce qu'elle se remarie. Est-ce que vous avez bien compris ce qui est voulu ici, les deux premiers cas? Ce qui est voulu par le divorce définitif qui est long et le divorce définitif qui est court. Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Le divorce définitif qui est long, tu ne peux pas du tout la reprendre. Le divorce définitif qui est court, tu peux la reprendre en refaisant un contrat de mariage. En refaisant un contrat de mariage. S'il n'y a pas une consommation. D'accord? Dans les deux cas, elles sont immédiatement. Troisième cas, il nous dit, rahimahullah, wa idha kana fi nikahin fasid. Et donc, si le mariage a été fait, mais que si l'homme et la femme ils étaient mariés, mais avec un contrat de mariage qui est caduque, un contrat de mariage qui n'est pas valable. Comme ça peut arriver, hein? Rien que l'année dernière, on a dû refaire 3 contrats de mariage, 3 contrats de mariage, dont 2 qui avaient déjà des enfants, qui étaient déjà mariés depuis longtemps. Mais ils ne savaient pas que le contrat de mariage qu'ils avaient fait n'était pas valide. D'accord? Ou alors, certains savants qui nous disent, il y a des contrats de mariage, donc facide, ce qui est voulu ici, c'est le contrat de mariage qui est interdit. C'est lui qui est interdit. Exemple, un homme se marie avec une femme. Il se marie avec une femme, et cette femme, elle lui dit, oui, je n'ai plus de contact avec mon père, etc., etc., etc. On n'a plus de contact. Il se marie. Au final, après avoir fait le mariage avec un autre tuteur, puisqu'elle n'a plus de contact avec son père, après avoir fait un mariage avec un autre tuteur, on demande à un étudiant ou à un imam qui leur dit « Non, tu n'as plus de contact avec ton père. Il fallait demander, il fallait chercher à aller voir ton père. Il fallait chercher à aller voir ton père. » Et donc, il faut refaire ce contrat de mariage. C'est ce qu'on appelle un contrat de mariage donc qui n'est pas valable. À ce moment-là, elle n'est plus sur sa tutelle, tout de suite. Il n'y a pas de viduité ou pas de viduité. Elle n'est plus sur sa tutelle. D'accord? Ou alors l'homme qui se marie avec sa sœur. Il ne savait pas que c'était ça. Il ne savait pas que c'était sa sœur. Oui, il ne savait pas que c'était sa sœur. Ou mère de lait, comme c'est arrivé dans la sunna. Ou alors, on a donc l'homme, et ça c'est déjà arrivé, subhanallah, l'homme qui se marie avec une femme qui n'a pas été divorcée. Sauf que la femme, elle pensait qu'elle était divorcée. Hein, et c'est ce qui a fait que aussi on étudie ce sujet, parce que c'est déjà arrivé trop de fois. Des gens qui se marient et qu'après le mariage, on constate que, eh bien non, la sœur, son premier divorce n'était pas valable. Et donc, elle est encore mariée avec son ancien mari. Ce qui se passe, c'est que le mari qui est actuel ne devient plus son mari. Il y a une séparation immédiate. Immédiate. Et cette femme retourne avec son ancien mari. Ça peut faire des dégâts, ça, les frères. Ça peut faire énormément de dégâts. Et donc, pour éviter tout ça, on s'assied, ça prend pas de temps. Alhamdoulillah, on apprend un petit peu. C'est après Fajr, c'est pas facile. Mais alhamdoulillah. Alhamdoulillah, c'est profitable. Ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Ah oui, et d'ailleurs, à la femme, donc le deuxième cas qu'on a vu, donc tout à l'heure, donc l'homme qui divorce la femme avant d'avoir eu un rapport avec elle, la femme lui remet la dot. La femme lui remet la dot. Le quatrième cas, wa idha kana ala iwad, lorsque le divorce se fait avec une compensation. Lorsque le divorce se fait avec une compensation, donc là aussi, ça, c'est une séparation. Donc c'est un divorce, excusez-moi, c'est un divorce donc qui fait que l'homme ici n'est plus responsable de cette femme et qu'elle n'est plus sous sa tutelle et qu'ils sont séparés de manière immédiate. Elle ne va pas rester attendre une période de viduité chez le mari. Non, ils ne sont plus mariés. Ce qui est voulu ici, c'est le khoula. Donc la séparation, donc avec compensation, le khoula, la femme qui a demandé le khoula, à ce moment-là, à partir du moment où ce divorce, où cette séparation, elle est effective, il n'y a plus de lien marital entre les deux. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, wa masi wa dhalika fa huwa raji'i. Yamliku zawju raj'ata zawjatihi ma damat fil 'idda. Et tout ce qui est en dehors de cela, donc en dehors de ce qui a été cité, alors à ce moment-là, c'est un divorce avec possibilité de retour. Ce n'est pas un divorce définitif. Et donc à partir de là, on a cité quatre cas, les frères, pour le divorce définitif. On a cité quatre cas. Maintenant, je voudrais qu'on m'explique, qu'on me cite aussi quatre cas pour le divorce qui permet à l'homme un retour. Puisque l'auteur, il nous dit en dehors de cela. En dehors de cela. Donc c'est un divorce qui permet à l'homme le retour. Donc on va reprendre les quatre qu'on a vus précédemment et on regarde l'opposé, tout simplement. On en a vu quatre. Le premier, c'était lequel? Donc celui qui divorce sa femme trois fois, à partir de là, donc c'est un divorce définitif. S'il la divorce moins de trois fois, c'est un divorce qui permet donc un retour. C'est un divorce qui permet à l'homme de la reprendre. Et donc le deuxième cas, on a dit, si il y a un divorce avant d'avoir eu un rapport. Avant d'avoir eu un rapport. Donc là, ici, quel est le cas qui permet à l'homme de récupérer son épouse? Non. Là, on a dit, s'il la divorce sans l'avoir touché, sans avoir eu de rapport, il ne peut pas la récupérer. Hein? Il faut un nouveau contrat. Mais maintenant, je veux qu'il ait la possibilité de la récupérer sans nouveau contrat. Je veux le contraire de ce cas-là. Un rapport. Le contraire de ce cas-là, c'est-à-dire, il divorce sa femme après avoir eu un rapport. S'il divorce sa femme après avoir eu un rapport, donc il peut la récupérer sans avoir besoin de faire de contrat de mariage. Sans avoir besoin de refaire de contrat de mariage. Le troisième cas, on a dit un contrat qui est caduc, un contrat qui n'est pas valable. Et donc là, on va dire le contraire, le fait de se marier avec un contrat qui est valable. Ça te permet de récupérer ta femme sans refaire de contrat. Et donc, le quatrième cas, donc c'est le contrat de mariage, ou excusez-moi, le divorce avec compensation, le khoula. Et donc, son contraire, c'est le talaq. Son contraire, c'est le talaq, qu'on a traduit par divorce. Et donc, le fait de se séparer de son épouse avec l'intention du talaq, pas le khoula. Dans tous ces cas-là, l'homme a la possibilité de récupérer son épouse sans refaire de contrat de mariage. Et il n'est pas mis en condition qu'elle soit d'accord. Il n'est pas mis en condition qu'elle soit d'accord. Comme une fois, une sœur, elle disait, mais je veux pas qu'il me reprenne. Mais à ce moment-là, si tu ne veux pas qu'il te reprenne, là, il faut faire, là, on va faire autre chose. Là, c'est le khoula. Là, c'est la séparation avec compensation. D'accord? Mais si l'homme, il a la possibilité de reprendre son épouse sans refaire de contrat de mariage, il n'est pas mis en condition qu'elle soit d'accord, puisque c'est encore son épouse. D'accord? Il n'est pas mis en condition qu'elle soit aussi au courant, comme on a vu hier. C'est-à-dire qu'on peut entre nous, comme on a expliqué hier, on est entre nous, il y a un frère qui a divorcé, on le conseille, et au final, il dit, ouais, c'est bon, je la reprends. C'est bon, je l'ai reprise. C'est mon épouse. À ce moment-là, elle n'est pas au courant. On est au courant avant elle. C'est déjà effectif. Ça y est, c'est bon, il l'a reprise. Elle n'est plus dans sa période de viduité. Alors ensuite, l'auteur qui nous dit, rahimahullah, Warraj'iyya. Ah, ça, c'est un point important, barakallahu fikoum. Ça, c'est un point important. Avant de l'aborder, j'avais oublié, donc, dans mes notes, ici, les frères, barakallahu fikoum, l'homme, il peut récupérer son épouse sans contrat, sans refaire un contrat. Il peut la récupérer en utilisant n'importe quel terme qui montre qu'il l'a récupérée. En utilisant n'importe quel terme qui montre qu'il l'a récupérée. Il n'y a pas de terme précis. Mais il faut que le terme qu'il utilise montre clairement qu'il a récupéré son épouse. Maintenant, est-ce que c'est possible de récupérer son épouse sans parler, avec un rapport? Il vient, il a un rapport avec elle. Est-ce que ça veut dire qu'il a récupéré son épouse? Les savants, ils nous disent, s'il a l'intention de la récupérer et qu'il a fait un rapport avec elle, alors c'est bon. Elle est redevenue donc son épouse. Donc le mariage, il est encore donc effectif. Ensuite, il nous dit, rahimahullah, wa raj'iyya, illa fi wujub al-qasm. Al-raj'iyya, c'est la femme dont l'homme a la possibilité de la récupérer. La femme dont l'homme a la possibilité de la récupérer sans refaire un contrat. Et donc, si l'homme divorce sa femme une fois après avoir eu un rapport, et donc cette femme, il peut la récupérer sans avoir fait de contrat de mariage tant qu'elle reste dans sa période de viduité. Il nous dit l'auteur, le jugement de cette femme est le même que les autres épouses. Le jugement de cette femme est le même que les autres épouses. Qu'est-ce qui est voulu par là? Ce qui est voulu par là, c'est-à-dire dans les dépenses. Dans les dépenses. Tu dois dépenser pour elle de la même façon que tu dépenses pour les autres épouses. Tu dois la loger de la même façon que tu loges les autres épouses. Parfois, souvent, les frères, ils se trompent là-dessus. Ah, ça y est, j'ai prononcé le divorce, c'est bon, vas-y, tu te débrouilles, debarra sec, etc., etc., etc. Non, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est toujours ta femme, tu dois toujours dépenser pour elle, jusqu'à ce qu'elle finisse sa période de viduité. Il nous dit donc, son jugement à cette femme est comme le jugement des épouses, sauf en ce qui concerne le partage. Ce qui est voulu par le partage, c'est le partage des nuits, par rapport, donc, au rapport, etc., etc. D'accord? Donc ici, elle reste dans sa demeure. L'homme n'a pas le droit de la mettre dehors. Il n'a pas le droit de la mettre dehors. Et Allah lui a interdit à elle-même de sortir, d'aller dans une autre demeure. Donc elle reste dans sa demeure en attendant la fin de la période de viduité. Mais par contre, l'homme ne va pas venir pour dormir avec elle, etc., etc. Mais il doit dépenser pour, obligatoirement, le logement et aussi donc la nourriture, vêtements si besoin, etc. Il nous dit l'auteur rahimahullah, wal mashru' i'lanu nikah wa talaq wa raj'a. Subhanallah. Il nous dit, et ce qui est légiféré, c'est le fait de rendre public le mariage, le divorce, ainsi que le fait de la reprendre. Wal ishhadu ala dhalik, et le fait de prendre des témoins pour cela. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa ashhidu dhawa 'adlin minkum. Et prenez comme témoin deux personnes fiables parmi vous. Et donc, mais barakallahu fikoum, les frères, concernant le mariage, tout d'abord pour commencer, concernant le mariage, il est donc obligatoire, il est obligatoire de le rendre public, que les gens sachent. Il est obligatoire d'avoir des témoins, ça c'est une condition. Donc, le fait d'avoir des témoins fait partie des conditions du mariage. Mais aussi, il est obligatoire de rendre le mariage public. La walima, faire que les gens sachent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Uthman, Aoulim walau bicher. Il lui a ordonné, fais la walima même avec une chèvre. Fais la walima. Et donc, c'est un ordre. L'ordre implique une obligation dans la législation. Et ça, c'est l'avis le plus juste. Concernant le divorce, la walima, le repas de fête lié au mariage. Concernant le divorce, est-ce qu'il est obligatoire d'avoir des témoins? Les savants nous disent non, c'est recommandé. C'est recommandé d'avoir des témoins. Lorsque l'homme divorce son épouse, c'est recommandé d'avoir des témoins. Mais par contre, il faut faire attention à ça, barakallahu fikoum, parce que parfois, et ça m'est déjà arrivé avec certains frères, il te dit, oui, j'ai divorcé, alors, mais en fait, avec mon épouse, on ne se rappelle plus si on a divorcé 3 fois ou si on est encore à 2. Et là, je leur dis, mais si vous aviez des témoins à chaque fois, ça nous aurait facilité. On aurait demandé aux témoins combien de fois elle a divorcé ou pas. Ça aurait été vite fait réglé. Mais là, maintenant, vous êtes tous les deux, vous ne vous rappelez pas, est-ce que c'est 3, est-ce que c'est 2, etc. Donc, c'est important. Parfois, on néglige cela. On néglige cela. Donc, le fait de prendre des témoins. Maintenant, le fait que les gens sachent, c'est important que les gens sachent aussi. C'est important que les gens sachent cela. Souvent, les frères, barakallahu fikoum, comme il dit l'imam Ibn Baz, rahimahullah, il y a des scandales qui arrivent à cause de ça. À cause du fait que les gens sont négligents dans ce sujet. On n'informe pas les autres qu'il ne faut pas leur informer qu'il y a un mariage ou qu'il y a un divorce. Ou qu'il y a une raja, le fait de récupérer son épouse. Et tout ça, on le trouve dans les livres de fiqh. Certains savants voient que cela est obligatoire. Le fait que les gens sachent que tu as récupéré ton épouse, afin de ne pas te faire accuser. Lorsque les gens vont te voir marcher avec elle, ils vont se dire, mais il l'a divorcé. Il l'a divorcé, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Et toi, tu vas faire en sorte que les gens aient une mauvaise opinion de toi. C'est toi la cause. Et donc, il est important, barakallahu fikoum, au cher frère, qu'on fasse en sorte que les gens n'aient pas une mauvaise opinion de nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il marchait avec son épouse. Il marchait avec son épouse. Et donc, il a vu 2 hommes. C'était le soir. 2 hommes, lorsque les 2 hommes l'ont vu, ils se sont écartés rapidement. Il leur a dit, Alarislikuma, doucement, doucement. Il n'a rien à Sophia. Ce n'est que Sophia. Et là, ils lui ont dit, oh messager d'Allah, nous ne pouvons pas douter de toi, etc., etc., etc. Et c'est là qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, certes, le diable, il donc parcourt l'être humain par les voies du sang. Et donc, je ne veux pas qu'il mette en vous des. Donc, il vous insuffle de mauvaises pensées, de mauvaises opinions. Et donc, c'est important que toi-même, tu fasses en sorte que les gens ne pensent pas du mal de toi. Ensuite, il nous dit, وَفِي الْحَدِيثِ ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ نَجِدْ وَهَزْلُهُنَّ نَجِدْ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ. Il nous dit, il y a 3 sujets qui sont sérieux lorsqu'ils sont accomplis de manière sérieuse et qui sont aussi sérieux lorsqu'ils sont accomplis en plaisanterie. Le mariage, le divorce et la récupération, le fait de récupérer son épouse, de la reprendre. Rapporté par les Arba'a illa an-Nasa'i. Et ensuite, il nous dit l'auteur rahimahullah wa fi hadith Ibn Abbas marfu'an, le hadith d'Ibn Abbas qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah wada'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa mastukrihu alayhi. Certes, Allah tabaraka wa ta'ala donc a wada'a, ce qui est voulu par al-wada'a ici, c'est le fait de ne pas châtier, le fait de ne pas prendre en compte. Allah tabaraka wa ta'ala ne prend pas en compte concernant ma communauté l'erreur, l'oubli et ce dont ils sont forcés. L'erreur, l'oubli et ce dont ils sont forcés. Comme on a dit hier concernant l'erreur, l'homme qui va vouloir dire à son épouse, tu es pur, anti tahira, il se trompe, il lui fait anti tahira, il s'est trompé, il a eu un lapsus. Cela n'est pas pris en compte. On ne dit pas qu'il a divorcé son épouse. Celui qui a oublié, même chose. Wa mastukrihu alayhi. Ceux qui sont forcés, celui qui se marie avec une sœur et qui a un autre qui lui dit « Ah non, c'est moi, je voulais me marier avec elle. Tu la divorces, sinon ça va aller mal. » Il menace le frère, etc., etc. Le frère, il divorce. Là, on lui dit « Non, le divorce n'est pas appliqué. Le divorce n'est pas appliqué parce qu'il a été forcé. » On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Et demain, on reprend avec « El-Ila, Wad-Dihar, Wal-Li'an. » Tout ça, je vais vous expliquer ce qui est voulu par là demain. « Bi-idhnillahi ta'ala, wafakallahu al-jami'a. » لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاكم الله